Jean-Luc est. Bon, on se connaît depuis très longtemps, mais je l'avais dit la dernière fois, mais comme c'est pas les mêmes, pour répéter, donc on se connaît depuis les années 90. Il animait une super revue qui s'appelait Dissensus, il n'était pas tout seul, à laquelle j'ai participé un peu d'ailleurs. Donc, je ne sais pas comment on peut la qualifier de situationniste ou. potache un peu. Libertaire, un peu potache, voilà. Donc, il s'est mis à l'écriture il y a quelques années, avec d'abord un livre sur Victor Serge, puis sa rencontre avec l'Arménie. Je crois que tu n'avais jamais été avant. Non. Donc, Goumri, qui est au nord de l'Arménie, qui s'appelait comment avant, c'était Meninakan. Meninakan, c'est ça. Et puis, c'est surtout que tu as rencontré ta compagne et ton épouse Bardoui, qui fait des dessins très jolis, qui sont dans ses bouquins aussi. Après, tu as eu la chance d'assister à une révolution pacifique, ce qui n'est pas toujours le cas. C'était en 2018, si je me trompe. En 2018, ouais. Et donc, c'est un récit de témoin de cette révolution, assez étonnant. Ouais. Et puis, donc, l'expérience Genot. Et aujourd'hui, on va parler de la maison de Tamam. Alors, ça s'appelle l'Arménie à Marseille, mais je ne pense pas qu'il nous fasse l'historique des Arméniens de Marseille. C'est pas moi qui choisis le sous-titre. Ah, d'accord. C'est l'éditeur. Ah oui, ça m'étonnerait parce que c'est. Oui, bon, d'accord. Au début, je comprends mieux. Ça devait s'appeler Traverse au début. Mais d'accord. Ça devait pas parler de l'éditeur. Bon, après, les éditeurs, des fois, ils imposent leur truc. Bon, après, c'est une belle édition. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Je vais choisir la couleur. Donc, les bouquins, vous pouvez l'acheter. Tous les autres, là, c'est en consultation sur place. Hein. Il y a quelques vieilleries ou des trucs sur l'histoire de l'Arménie que j'ai ramené, dont un intéressant, les Arméniens en Provence. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens de la RAM ici. Donc, la RAM, c'est une association de recherche sur l'histoire arménienne qui se trouve à Saint-Jérôme. Donc, ils ont un très beau local. C'est un peu comme nous. Hein. Bon, ils doivent avoir plus de subventions, mais c'est une association de 1901 avec des bénévoles et un centre d'archives sur l'Arménie qui est vraiment intéressant. Ils ont énormément de choses. Ouais. Bon, bah écoute, on leur avait dit de venir, mais bon, visiblement, ils ne sont pas venus, ils avaient d'autres choses à faire. Donc, à toi la parole. Ouais. Tu ne voulais pas présenter le CIRA ? Ah, le CIRA, bon, écoutez, il y en a qui connaissent. Ceux qui ne connaissent pas, on se voit après. D'accord. On boit un coup, et puis vous me posez toutes les questions que vous voulez sur ce CIRA. Merci, Philippe. Alors, j'ai présenté déjà ce livre plusieurs fois, alors je me suis demandé comment j'allais le présenter cette fois-ci, plus au moins la 8e ou 9e fois, pour ne pas répéter toujours les mêmes choses, donc personne ne m'a vu deux fois, mais quand même. J'ai réfléchi sur ce livre qui est sorti il y a un an à peu près, et je me suis dit que c'était un livre qui était en fait un emboîtement de secrets, quoi. Ça parlait de secrets. C'est un livre qui justement, se lit, et au fur et à mesure de sa lecture, on découvre un certain nombre de choses sur les personnages, mais aussi sur l'histoire, et sur mon histoire aussi personnelle, celle de ma famille. Donc c'est vraiment un emboîtement de choses, et c'est pour ça que dans ma présentation, je ne vous livrerai pas tous les secrets de ce livre, ce sera à vous de le découvrir si vous avez envie. Mais je vais quand même essayer de raconter un peu le contexte de ce bouquin, comment j'ai eu envie de l'écrire et comment il s'est élaboré sur un long terme, parce que ça s'est fait en plusieurs années, jusqu'à ce que ça donne ce résultat-là, quoi. Dans un premier temps, je vais d'abord vous parler du territoire. Dont parle ce livre, La maison de Tamam. C'est un territoire qui se situe dans les quartiers nord de Marseille, Saint-Antoine. En fait, pas exactement Saint-Antoine, mais en dessous, dans un quartier qui s'appelle le Vallon d'Étude, qui est un quartier qui a eu la particularité d'accueillir une population d'exilés arméniens d'après le génocide, et qui ont construit ici un bout de leur vie de survivants en construisant leur maison dans ce quartier de la Vallon d'Étude. Et au milieu de cette population, il y avait ma grand-mère. Donc c'est ma grand-mère Tamam, d'où le titre La maison de Tamam. Et elle a vécu dans deux lieux dans ce quartier, mais Le lieu dont je parle s'appelle le Vallon des Tuves. C'est le lieu que l'on a connu, moi et ma famille, en allant la visiter pendant des années, quoi. Ce lieu n'existe plus, ce vallon d'études existe toujours, bonjour, mais cette petite traverse du four à chaud dont je parle dans ce livre n'existe plus. Ça, je ne vais pas vous spoiler la fin, mais c'est, voilà, ça a disparu il y a quelques années, et ça a été rasé, c'est une petite maison, une allée de petites maisons plus ou moins autoconstruites, qui ont fini par être rasées et remplacées par un immeuble, un ou deux immeubles. Bref. Donc c'est l'histoire, de ce lieu, d'abord. Alors ça n'a pas été, je raconterai ensuite l'élaboration de ce livre, mais le résultat final c'est ça, c'est un lieu, c'est l'histoire d'un lieu. Et dans ce lieu il y a des gens qui vivent, un certain nombre de gens, et là je vais vous dévoiler le premier secret, c'est les gens dont je parle dans ce livre en fait auraient pu exister mais n'existent pas. Ce sont des gens, des personnages imaginaires. Alors c'est pas révélé dans le livre puisque c'est pas écrit roman ou récit, c'est juste le livre est livré et donné comme ça au lecteur, puis c'est à vous de voir si c'est vrai, si c'est réel ou si c'est imaginaire. Après tout, c'est peut-être pas si important. En tout cas, voilà. Donc je raconte l'histoire de gens qui auraient pu vivre dans ce lieu. Et qui sont tous plus ou moins des gens qui sont des survivants du génocide. Le génocide de 1915 perpétré par le gouvernement turc dans la partie arménienne de la Turquie. Bref, donc ça c'est ce territoire-là. Donc ce territoire, moi, qui m'a intéressé pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'y suis allé beaucoup, j'ai beaucoup fréquenté ce vallon d'études depuis que j'étais enfant. Ma grand-mère y vivait, on venait régulièrement la voir. C'était un quartier comme a pu exister à Marseille, dans pas mal d'endroits, un genre de campagne. Je ne sais pas si vous situez, c'est juste en dessous d'une grande cité de la Sabine, juste en dessous de la Sabine, je ne vais pas m'en dire. Donc juste en dessous de la cité de la Sabine, à côté d'un, je ne sais pas si vous êtes déjà passé dans ce quartier, mais il y a un grand Bouddha doré avec une pagode qui a été construite dans les années 70 ou 80. Donc c'est vraiment un endroit assez curieux qui mélange plusieurs types d'architecture, on va dire, plusieurs populations. Et donc voilà, à l'origine c'était donc des Arméniens dans les années 20 qui sont venus construire leur maison ici et qui ont construit ce quartier, quoi. Ce quartier du Vallon des Tuves. J'ai pas chronomé, non? Monsieur ici. Et la langue parlée était l'arménienne dans ce quartier. Comment? La langue parlée était l'arménienne. C'est l'arménien, voilà. Donc la plupart des gens qui vivaient là étaient donc arméniens et parlaient l'arménien. Alors, il y a autre chose d'intéressant que j'ai cru retenir de mes discussions avec des gens de ma famille, c'est que beaucoup de gens venaient du même coin d'Anatolie, et notamment de Tomalza, si je comprends bien, des gens qui étaient dans cette allée du Vallon des Tuves, en tout cas à l'origine, des gens qui venaient tous du même coin d'Anatolie, une petite ville qui s'appelait Tomalza, des villages arméniens autour. Donc voilà, il y a ce territoire avec ces gens qui vivent là. Et puis le narrateur lui arrive et nous parle de ce quartier sur sa fin. Donc le début de ce livre, c'est la fin en fait de ce quartier. Donc je vais vous lire le début de ce récit pour vous donner une idée un peu plus précise de ce dont je parle, parce que ce que je raconte a l'air peut-être un peu abstrait. Donc c'est tout le début de la maison de Tamar. Je vous lis ça. On arrive à la maison de Tamam par une allée de terre crevassée et caillouteuse. Au fond, devant le portail au bleu passé, un chat noir et blanc fait le guet. Je marche entre des buissons de ronces aux murs desséchés. Ils ont tellement proliféré qu'ils recouvrent de leurs maigres tentacules tous les bâtiments de l'allée encore debout. Je continue jusqu'à sa maison, posée au fond du chemin. On a désherbé juste devant et contenu l'avancée végétale. Je cueille un brin de menthe sauvage, pousse le portail et entre dans la cour. Là aussi, le temps a passé et la cour a des allures de naufrage. Le banc en bois est renversé, le jardinet dont elle s'est occupée pendant tant d'années est envahi par les herbes, et le pied de vigne dont elle recueillait précieusement les feuilles et les quelques grappes de raisin blanc semble être sorti de ses gonds et tend ses branches pleines de grains que personne ne cueille plus. La remise aux planches mal rabotées s'appuyant contre la maison s'effondre doucement. Elle est encombrée de débris, mais un calendrier délavé est encore affiché sur une des cloisons. On y voit un Christ blond et bien nourri qui prie, les mains jointes et les yeux dans le vague. La porte de sa maison est fermée, et si je m'assieds un instant sur la marche qui y mène, je sais bien qu'il ne sert à rien d'attendre. En ressortant, je referme avec précaution le loquet du portail. Accroché à la cabane, la boîte aux lettres portant son nom est encore là. Je reprends l'allée pour retourner à ma voiture. Je regarde la roulotte envahie par les herbes. Je regarde les maisons effondrées. Je regarde le ciel bleu de Marseille. J'écoute le silence de cette ruelle déserte, adossée à la rumeur de la ville, à peine un peu plus loin. Je sens les buissons de mimosa annonçant le printemps de toute l'explosion de leurs fleurs jaunes. Je frôle d'une main rapide l'échine osseuse d'un chat qui s'échappe vers l'entrebâillement d'une porte. Je m'abandonne un instant dans l'air bleuté et suave. Tout vit. L'air bruisse soudain d'une vague rumeur. Des mots s'envolent et éclatent comme des bulles de savon. Les langues se mélangent. L'arménien, le français, le russe, le turc. Les histoires de la traverse du four à chaud. C'est ici le territoire des fantômes. On y croise l'ange de l'histoire, celui de Walter Benjamin. Son visage est tourné vers le passé. Il voudrait bien s'attarder, réveiller les morts et rassembler ce qui a été démembré. Voilà le projet de ce livre. C'est donc qui est inscrit dès les premières phrases. Et c'est un projet donc mémoriel. Hein. C'est à la fin du livre, j'appelle ça un mémorial de papier. Et donc voilà, donc, en parlant de ce territoire, je parle aussi de ma vie mémoire, qui est la mémoire de gens qui ont disparu, dont la mémoire a été effacée, ou dont une partie de leurs ancêtres ou même de leur famille a été supprimée. Donc mon projet, c'était ça. Dès le début, c'était de raconter, parler de ce territoire, parler des fantômes de ce territoire. Donc le narrateur qui me représente là va dans ce quartier, il le connaît, il n'y a quasiment plus personne n'y vit, mais lui, il s'invente un peu comme le gardien de ce quartier. Donc il retourne dans cette traverse du four à chaud, même s'il n'y a plus personne, et il essaie de conserver le lieu un petit peu en état. Les maisons s'effondrent petit à petit, tout envahi par les herbes, mais lui, il est là, il essaie de ramasser les poubelles que les gens commencent à balancer à Marseille. Comment il essaye de désherber de temps en temps. Bref, il essaie de garder un peu en état ses ruines. C'est ce quartier qui est en train de tomber en ruine. Sachant très bien que cette ruelle ne va pas faire long feu. Hein, ce sera qu'un promoteur se raconte à un moment donné que là, il y a quelque chose, il y a un territoire qu'on peut exploiter. Bref, donc ça, c'est la première partie de ce livre, qui s'appelle Traverse, donc. C'est un livre en trois parties. Et la première approche de ce livre, c'est ce territoire, c'est la description de ce territoire. La deuxième partie de ce livre, ça sera des histoires de gens qui auraient pu y vivre, ou qui ont vécu. Puisque je parle quand même d'une personne qui a véritablement vécu là, Adam, qui était un peu l'idiot du village, si on parle de ce quartier comme un village. Lui, je l'ai véritablement rencontré, il a véritablement vécu dans ce quartier, mais sinon tous les autres personnages sont des personnages fictifs. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie. Puis la dernière partie, ça je vous en parlerai un petit peu après, ça s'appelle l'histoire de ta maman, je crois, et là c'est autour de ma grand-mère. Donc, qui a vécu dans ce quartier, au fond de cette traverse du fourrage. Donc la forme du livre, je vais vous parler maintenant un peu de la forme du livre, elle a mis du temps à arriver à son aboutissement, puisqu'au début, mon projet, il y a quelques années en arrière déjà, mon projet c'était de raconter avant tout l'histoire de ma grand-mère. L'histoire de ma grand-mère Tamam, qui toute petite est partie de Tomalza qui a été déportée pour aller vite avec toute sa famille et qui finalement après un long périple de plusieurs années est arrivée à Marseille. Donc je suis parti de l'histoire de cette femme. Alors en partant d'un matériel qui était relativement récent au moment où j'ai commencé à écrire ce livre, c'était un témoignage qu'elle avait fait, un entretien avec des gens de ma famille, dont mon oncle ici présent, Henri, qui l'avait enregistré et filmé. C'était où elle racontait ? Jean-Marie Plume. Pardon ? C'est Jean-Marie Plume qui avait... Toi, tu étais l'interprète. Ouais. Et donc, il y avait plusieurs personnes. Et elle racontait devant ces personnes son périple de Tomalza à Marseille, en passant par la Syrie, enfin, qui faisait encore partie de l'Empire ottoman à l'époque, en passant par Adana, enfin, il y a plusieurs stations, jusque par la Grèce, et puis finalement, avant d'arriver à Marseille, aux alentours de 1929, je crois. Donc, elle part en 1915, elle arrive en 1929 à Marseille. Je suis parti de ce témoignage, et je me suis dit, voilà, je vais faire une recherche historique, sur littéraire peut-être, mais en tout cas avant tout historique, sur ce voyage et puis sur son arrivée à Marseille. Donc au début, mon idée, c'était pas de parler du quartier, mais de parler plutôt de ce destin, cette destinée. Donc j'ai saisi une partie de ce que j'avais regardé, là, je l'ai tapé, je l'ai remis en forme, bref. Et puis j'ai commencé à faire une recherche, j'ai commencé à interroger des membres de ma famille. Ma mère, mon oncle, ma tante, enfin d'autres personnes. Et puis, je sais pas, mais en fait, j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me portait, quoi. Je suis historien de formation, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Et donc, j'ai eu envie, au bout d'un moment, j'étais pas satisfait de ça. J'ai fait des recherches, j'ai lu des livres, etc., sur le sujet, sur les Arméniens de Marseille, bref. Et puis ça m'a très vite gonflé, j'ai eu envie plutôt d'aller vers le roman. Donc, deuxième étape de ce livre, il y a quelques années en arrière, j'ai commencé à revenir donc, sur cette traverse du four à chaud. Ma grand-mère était toujours présente, c'était toujours un personnage important de ce récit, mais autour j'ai commencé à bâtir une fiction avec des personnages, la traverse, mais on sortait aussi de la traverse, il y a des trucs qui se passaient à Marseille, il y a plein de personnages. Bref, je me perdais. Donc j'écris un. Première mouture de ce bouquin qui s'appelait déjà La Maison de Tamam, mais je me perdais, j'allais dans plein de directions. C'était pas satisfaisant. Je commençais à le faire lire, il y a des gens qui m'ont fait des remarques, il y a des éditeurs qui ont commencé à me dire allez, ça va pas, ça va bien. Ouais. Donc j'étais pas satisfait, j'ai laissé reposer quelque temps. Et puis là, il n'y a pas très longtemps, je l'ai repris, et puis j'ai coupé dedans. J'ai enlevé tous les personnages superflus. J'ai enlevé toutes les actions qui se passaient en dehors de cette traverse et je me suis recentré sur l'histoire de ce territoire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, j'ai gardé uniquement la traverse, j'ai gardé quelques-uns des personnages que j'avais créés, qui vivaient dans cette traverse, et je suis resté uniquement sur ce territoire, je ne suis pas sorti de ce territoire-là. Hormis quand je raconte le périple de ma grand-mère de Turquie jusqu'ici, quoi. Donc c'est un roman, on pourrait l'appeler comme ça, mais qui est centré vraiment autour d'un territoire et que quelques personnages et une trame qui s'en tient à l'histoire, essentiellement à l'histoire de cette traverse, de ses débuts, que j'imagine, dans les années 20 peut-être, jusqu'à la fin dans les années 2000. Donc j'imagine toute l'histoire de cette traverse à travers quelques personnages plus ou moins fictifs. Et si vous voulez, je vais vous lire un deuxième extrait de cette deuxième partie pour cette fois. Donc de ces personnages qui sont censés ou auraient pu vivre dans la traverse du four à chaud. Et notamment un personnage donc, qui s'appelle Atam. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, lui qui a véritablement vécu là-bas, mais moi je l'ai connu quand j'étais enfant, il était déjà âgé, et j'en savais pas plus sur lui en fait. Donc je peux vous demander à quelle page c'est, si j'aime bien lire en même temps. Pardon ? Je peux vous demander à quelle page c'est. Ah oui, c'est page 73. 1973, deuxième paragraphe. Atam. Atam rêve tantôt en couleur, tantôt en noir et blanc. Atam vit avec sa mère dans une maison délabrée, à côté de la boulangerie, presque au bout de la traverse. Atam est jeune, Atam est vieux. Il ne sait plus exactement l'âge qu'il a, d'ailleurs il s'en fout. Il est là depuis si longtemps, seul avec sa mère, qu'il aurait du mal à raconter toutes ces années qui passent. Il se souvient juste d'un moment où il y avait aussi un homme, peut-être était-ce son père, peut-être juste quelqu'un de passage, mais c'était il y a longtemps, fort longtemps, et depuis il est là, en cette maison, seul avec sa mère. Atam aime bien son quartier, il aime ramasser les murs à la fin de l'été, courser les chats, effrayer les enfants qui passent en criant un peu n'importe quoi, des phrases sans queue ni tête, des sentences sans importance, manger salade, jamais malade, des choses comme ça. Il aime moins que l'on se moque de lui, qu'on le traite de fada, de toqué, de débile, mais bon, c'est comme ça, et il oublie vite ces petites morsures du quotidien. Atam fait partie de ces réfugiés de la traverse du four à chaud. Personne ne leur demande comment ils sont arrivés là, pourquoi, quels sont les événements qui ont amené cette femme et son enfant ici. On sait juste qu'ils sont arméniens, qu'elle est venue elle aussi d'Anatolie après le génocide. Ils font partie du paysage du quartier, cette femme en noir, avec son fichu sur la tête, et ce garçon sans âge, au teint foncé, aux longs cheveux noirs sur un crâne qui se dégarnit avec le temps, au corps sec, presque toute l'année en short et en espadrille. Sa mère va faire des ménages à droite à gauche, mais lui ne sort jamais des limites du vallon des Tuves. On le voit parfois en train de se balader dans les rues alentours. Il se fait de temps à autre payer un café au bar du viaduc, mais il traîne le plus souvent dans la traverse, à marmonner on ne sait quoi. Et les mères disent à leurs gamins de s'en méfier, de le laisser tranquille. Il fait pitié et il fait rire, mais il impressionne aussi un peu. On l'a déjà vu se mettre dans des colères noires et hurler des imprécations et maudire le ciel et la terre. Il va parfois avec sa mère dans la colline pour ramasser des herbes, du thym et du romarin, des épinards sauvages et de la roquette, de l'ail des ours et des fleurs des champs, dont il se fait une couronne qu'il plante fièrement en haut de son crâne. Il croise souvent la vieille dame qui vit dans la roulotte, tout près. Il l'aime bien, elle lui sourit et lui parle parfois avec une voix grave et rugueuse. Parfois aussi, il aide Tamam à transporter ses courses jusqu'au bout de l'allée. Elle lui donne alors quelques sous ou un verre de limonade. Atam aime bien regarder des petits fascicules de bande dessinée que sa mère lui ramène de la ville. Et même s'il ne sait pas lire, il suit passionnément les aventures de Zembla dans la jungle et celles de l'illusionniste Houdini. Et puis, bien sûr, Atam rêve. Il rêve tout le temps, la nuit et le jour, endormi et éveillé. Il rêve en couleur et en noir et blanc. Et dans ses rêves, il voit des choses merveilleuses et terribles, des monstres et des fées, des corps suppliciés et des animaux fabuleux. Atam oublie souvent le monde alentour, assis dans un coin, à l'ombre d'un arbre. Et alors, c'est la grande cavalcade dans sa tête. Ça pétarade, ça crie, ça part dans tous les sens. Et il sort parfois de ses transes, le visage couvert de larmes comme un enfant perdu. Quand elle est là, sa mère essuie ses larmes en lui parlant dans la langue de l'enfance, pour le rassurer, l'aider à revenir dans ce monde. Mila, Pesdigus, Mila, ne pleure pas, mon petit, ne pleure pas. Voilà. Donc là, c'est Atam, personnage que j'aime particulièrement, c'est pour ça que je vous en ai un extrait. Il y a d'autres personnages qui sont aussi présents dans cette traverse, et c'est notamment le personnage de la Russe qui vivait dans cette roulotte. Donc j'ai connu la roulotte, j'ai pas connu la Russe. Mais ma mère me parlait, me disait que cette roulotte avait appartenu à une dame d'origine russe, dont on avait oublié jusqu'au prénom. Et donc j'ai inventé le destin de cette femme, la Russe, que j'ai prénommée Nadiejda, et qui est elle aussi une réfugiée, une survivante. Elle, non pas d'un génocide, mais de la révolution de 17. Je l'ai inventé comme j'ai inventé ce personnage comme étant une révolutionnaire, une rouge de cette époque, mais qui n'était pas bolchevique et qui échappe presque par miracle à la répression léniniste. Et vite, hein. Donc ça, je ne vais pas vous lire ça parce que c'est un long passage et ça demande quand même un peu plus de temps. Je voulais vous lire peut-être un deuxième extrait d'un autre personnage que j'aime bien, qui pour le coup est complètement imaginaire, qui s'appelle Abo. Et ce personnage, il est censé fréquenter le bar qui est juste au bout de cette allée, sais pas s'il existe encore ce bar. Donc c'est un bar qu'on a toujours vu, où tous les gens du quartier, enfin, les vieux du quartier surtout, venaient boire un coup, jouer au tiercé, et un terrain de boule à côté aussi. Et donc j'imaginais un de ces vieux du quartier que je voyais souvent quand j'étais petit, ou même plus grand, boire leur coup avec leur bloc de travail, là souvent, au bar du quartier. C'est quasiment que des Arméniens à cette époque. Donc ce hago, c'est un de ses clients du quartier du Vallon des Tulles. Le bar se trouve au sortir de l'allée de l'autre côté de la route. Il a ouvert un peu après l'arrivée des premiers habitants du Vallon des Tulles, presque en même temps que l'église. Il a son terrain de boules et une salle où se déroulent fêtes et mariages. C'est aujourd'hui le rendez-vous de quelques vieux Arméniens qui habitent encore le quartier et qui continuent à venir boire un café ou un raki, des jeunes Arabes de la cité qui fument leur clope ou leur pétard à la terrasse, et de tous les parieurs qui hantent le fond du bar du matin au soir. On s'y sent protégé par l'ombre et la rumeur incessante des courses de bourrins et des enthousiastes où je commande des speakers relatant les joies et les malheurs des chevaux et de leurs jockeys. C'est une enclave hors du monde et de ses désordres majuscules, seul comptant ici la chance et les déboires minuscules des paris du PMU. Hago venait ici depuis toujours. C'était comme sa deuxième maison et certains diraient même qu'on pouvait considérer le bar des Platanes comme sa résidence principale. Il avait vécu un temps au four à chaud, lorsque l'allée était jeune et vibrait de tous les bruits si doux du quotidien. Et les sons du dimanche, ces moments de calme, où il semblerait presque que personne ne va se décider à parler ou à sortir, où les enfants jouent comme au ralenti, et où soudain, tout le monde sort en même temps pour se rendre à l'église, les petits comme les grands, les hommes comme les femmes, engoncés dans des costumes sombres, à peine rehaussés parfois pour les jeunes filles les plus coquettes d'un soupçon timide de couleur. Le rouge du foulard et l'éclair sombre de ses yeux si noirs, quelle merveille, quelle sauvagerie, quelle douceur, se rappelait Hago en repensant à ses dimanches assis à la table du bar des Platanes. C'était la jeunesse, c'était la vie, malgré tout, ce foulard cramoisi noué au dernier moment sur cette longue chevelure noire plutôt que le noir foulard du deuil. Ce foulard qu'elle avait acheté au Global Market, le marché rond, celui de la plaine, il y a des mois, et qu'elle osait aujourd'hui arborer face à tout ce malheur ressassé de dimanche après dimanche dans la petite église du Vallon des Tulles. Elle le portait bien sûr comme un défi, et elle avait attendu que la famille parte devant, sous un prétexte quelconque, puis elle les avait suivis, les cheveux cachés par son foulard coloré. Parvenue devant la grille de l'église, elle avait vu les gens commencer à parler à mi-voix en la regardant de travers, mais elle avait franchi la porte, s'avançant dans la cour, droite et fière comme une reine. Hago s'en souvenait avec une exactitude photographique, le bleu du ciel, le blanc des murs de l'église et le rouge éclatant de ce foulard, et ses yeux si noirs. Il se souvenait aussi du remous que son entrée avait provoqué parmi les gens assemblés dans la cour, et la mère se précipitant vers sa fille pour l'entraîner dehors, et du curé sortant pour demander aux gens de parler moins fort et d'entrer dans l'église. Hago se rappelle encore sa fierté devant ce geste, la fierté d'avoir été témoin d'un geste pareil, de savoir que parmi ce peuple de victimes, ce peuple qui ne trouvait rien de mieux que d'aller dimanche après dimanche se plaindre auprès d'un Dieu qui les avait abandonnés, se trouvait cette jeune fille au foulard rouge. Voilà, donc ça c'est Hago, un personnage qui est un peu différent des autres, je l'ai voulu un peu différent des autres, peut-être qu'il me représente un peu aussi, évidemment, parce que c'est un personnage de révolté. Il n'accepte pas le rôle qu'on lui a assigné, le rôle de victime qu'il a vidé depuis qu'il est plus petit, depuis qu'il est un survivant. Et il vit dans ce quartier, mais lui, il aspire à en sortir. Et je raconte un peu plus loin dans le récit de ce personnage qui participe, âgé, relativement âgé aussi, à mai 68 à Marseille, et qui découvre une certaine manière de pouvoir se venger par la violence, une violence presque symbolique, on pourrait dire, mais en tout cas de sortir de ce statut de victime pour essayer de rendre un peu libre. Donc ça, c'est ce personnage-là, et moi, c'est un personnage que j'aime bien, c'est pour ça que je vous en ai lu encore un extrait. Si vous en avez marre que je le lise, vous me dites pas. Et voilà, donc ça, c'est les personnages, comme ça, il y en a plusieurs, il y a aussi des personnages d'enfants. qui viennent en vacances dans ce quartier. Donc ça va vraiment, c'est toute l'histoire de ce quartier, de cette traverse, presque du début des années 30 jusqu'à la fin, jusqu'aux années 2000, avec les différents personnages qui portent cette trajectoire dans le temps. Et puis, évidemment, caché au milieu de tous ces personnages-là, il y a un personnage réel qui est le personnage de ma grand-mère. Alors, j'emploie délibérément le mot de personnage, puisque c'est pas l'histoire de ma grand-mère strictement, hein, puisque j'invente aussi des choses autour d'elle. Bon, ce sont des témoignages sur sa trajectoire, enfin sur ce périple jusqu'en France. C'est le témoignage qu'elle a fait elle-même, mais il y a d'autres événements dont je parle, et encore on en a coupé un petit peu avec l'éditeur, il y a d'autres événements dont je parle qui sont des événements quand même relativement fictifs. Quoi. Bon, je respecte quand même quelques événements qu'elle a réellement vécu, le fait qu'elle était ouvrière quand elle était jeune, quand elle est arrivée là, donc ça j'en parle. C'est un quartier ouvrier, hein, ce quartier du Vallon des Tuves. C'est un quartier prolétaire, comme plein de quartiers de Marseille. Et dans cette manière d'effacer une mémoire, la mémoire de gens qui sont arrivés d'ailleurs, il y a aussi, à mon avis, le fait qu'il n'y ait aucune trace, ou même pas une plaque pour parler de ces gens-là, dans cette traverse qui a été complètement effacée. Je me dis aussi que c'est parce que c'était un quartier ouvrier, donc la mémoire ouvrière c'est pareil, on en fait à peu près, on s'en débarrasse aussi comme ça assez aisément. Donc c'est aussi dans l'idée de ce livre, c'est aussi dans l'idée de garder cette mémoire-là, la mémoire d'un quartier ouvrier, prolétaire. Donc dans ce périple qui est un peu au centre du livre, qui est au cœur du livre. C'est un long texte où je relate les différentes parties, les différentes stations de son, on va dire de son chemin de croix, mais en tout cas de son évasion de cette horreur qui était le génocide, et de son arrivée finalement à Marseille. Il y a des passages, en tout cas dans ce qu'elle raconte, qui paraissent presque bucoliques, bizarrement. C'est le moment où elle part de Tomasa, donc de cette ville où elle vivait avec ses parents. Et il y a l'idée qu'elle part, quand elle le raconte, avec son cousin, et ils sont dans des grands paniers sur le dos d'un âne, et ils partent comme ça vers Alep. Et ça, dans la manière dont elle le raconte, on a imaginé avec Vac, ma compagne, ce petit dessin. On a vraiment l'impression de ce voyage en âne, quoi. Et comme ça, presque, il y a presque dans le livre j'en parle, mais il y a presque un côté, je sais pas, road movie quoi. Et puis en fait, donc ça c'est la première partie, puis le secret se loge un peu après. Je vous le livre, c'est que je reviens sur ce voyage, je me renseigne sur ce voyage, je fais des recherches sur ce voyage, sur ce début de voyage notamment. Et là, je lis le livre d'un historien, l'historien du génocide arménien qui s'appelle Raymond Kevorkian, qui est quelqu'un de fort intéressant, hein, qui est toujours vivant, et qui parle des différents endroits dont ont été déportés les Arméniens, et notamment de Tomasa. Et en fait, ce que nous a pas dit ma grand-mère, parce que évidemment, elle ne disait pas tout, elle nous protégeait peut-être que. Elle ne se souvenait pas de tout, elle avait 4-5 ans. C'est qu'en fait, c'est une déportation de cette, toute cette population arménienne va être arrêtée, on va les dépouiller de leur richesse, de ce qu'ils ont, et puis on va les déporter vers les déserts de Syrie, où la plupart vont mourir. Donc voilà, donc ça c'est un texte en deux temps, on va dire. Hein. Il y a le témoignage de ma grand-mère, puis après il y a comme un décryptage un peu de ça. Mais c'est pas ça dont je voulais vous lire. Je voulais peut-être vous lire deux petits passages qui sont un peu plus tardifs. En tout cas, un qui est un peu plus tardif, qui se passe à Marseille, lorsqu'elle est ouvrière, dans une fabrique de boîtes de conserve de haricots, ça c'est réel. Elle avait véritablement été ouvrière dans une fabrique de haricots, une boîte de conserve. Je dis pas de bêtises. Hein. C'est l'hiver maintenant, Tamam, Page 164. Hein. C'est la partie, c'est un chapitre qui s'appelle Deux saisons, été, hiver. Au début, il y en avait quatre, on en a viré deux. Donc ça s'appelle Deux saisons, hiver. C'est l'hiver maintenant, Tamam. Tout le quartier est recouvert de neige et vous vous serrez dans la petite cabane pour ne pas avoir froid. C'est le premier endroit où elle a vécu. Hein. C'est pas la maison du four à chaud. Il n'y a pas l'électricité, juste un poêle à bois que le propriétaire vous a installé quand vous avez emménagé avec ce bout de famille qui te reste. Tu travailles dans une usine dans le quartier de Saint-Louis. Tu dois prendre le tramway à Saint-Antoine et descendre jusqu'à Saint-Louis. C'est une usine de conserve de haricots. Le personnel est essentiellement féminin et vous triez et équeutez les haricots qui proviennent de la campagne alentour, puis ces haricots sont cuits dans d'immenses marmites et enfin mis en conserve, tout cela de façon manuelle. Le travail est pénible, il fait chaud, il faut transporter des charges lourdes et faire attention de ne pas se couper quand on remplit les boîtes. Mais pour toi, ta maman, c'est un moment de liberté. Tu laisses la promiscuité familiale et tu passes quelques heures avec des jeunes filles de ton âge. Il y a peu d'autres arméniennes du quartier, ce sont surtout des filles de Marseille, bien plus libres d'allure que toi. Elles rient, parlent fort, s'engueulent, se tapent parfois dessus, mais s'embrassent aussi et se tiennent souvent la main, se baladant ainsi aux rares moments de pause. Comme tu ne connais que quelques mots de français, tu n'oses pas leur parler, mais vous vous souriez souvent, et tes yeux très noirs et ton air sérieux impressionnent les petites Marseillaises. Alors, je vais une photo quand même. Voilà, ça c'est la photo de ma grand-mère, à cette époque, on va dire, à peu près, ou peut-être un peu avant. Voilà. Donc les yeux très noirs, ils y sont. Hein. Et tes yeux très noirs et ton air sérieux impressionnent les petites Marseillaises. Le soir, quand vous sortez de l'usine, c'est une merveille de vous voir encore si vive, si gaie, malgré les heures passées à trier ces stupides haricots. Tu remarques en particulier une petite blonde, si menue, qui chante et qui rit sans cesse. Et aujourd'hui, lorsque vous êtes sorti dans la neige, elle a prestement ramassé une boule de neige et te l'a lancée à la tête, sur ton fichu noir, cachant sagement tes longs cheveux. Et alors ta maman, parce que tu es si jeune, même si tu en as tant vu, tu ne sais pas ce qui t'a pris, tu as jeté rageusement ton fichu et tu l'as fusillé de tes yeux si noirs pendant qu'elle riait si joliment, puis tu t'es mise à rire à ton tour sans ne plus pouvoir t'arrêter. Tu as ri si fort, ma petite, et c'était si miraculeux que la blonde s'est arrêtée et t'a regardée comme si elle avait eu un peu peur. Cette Louise, dont tu répétais silencieusement le prénom si magique. Et tu as ramassé toi aussi de la neige que tu lui as maladroitement lancée, l'effleurant à peine, et je te vois, ta maman. C'était un pur moment de grâce, et cela a duré si peu, mais c'était merveilleux. Louise est venue vers toi, elle t'a embrassé d'un coup, puis est partie rejoindre ses copines en rire. Tu as juste senti ce déplacement d'air, son effroi contre ta joue et cette odeur si douce. Tu as remis ton fichu foulard et tu as pataugé dans la neige avec tes mauvaises chaussures. Mais malgré le froid et tes pieds mouillés, c'était simplement miraculeux, ta maman. Et tu avais la tête légère et un sourire qui te montait aux lèvres. Et voilà ce que tu lui disais, empli entièrement du désir si simple de l'embrasser à ton tour et de la serrer contre toi, cette petite si blonde et si désirable. Louise, ma petite, tu ne me connais pas, mais tu m'as regardée comme peu de gens m'ont regardé. Louise, ton merveilleux prénom roule dans ma bouche. Il me donne envie de rire et de pleurer. J'aimerais le répéter tant et tant que je m'en abîmerais la voix, peut-être. Et si je pouvais seulement te dire, chère petite Française, comme je suis heureuse que tu m'aies accueillie si simplement, malgré nos si grandes différences, malgré la vieillesse que je porte au milieu de mes 20 ans, malgré mes morts que tu ne connaîtras jamais, malgré ta joie et ton insouciance que je ne connaîtrai jamais, et même si je n'ai plus le droit de rire, Louise, ma chérie, je souris en repensant à toi et à cette neige sur mon foulard, à cette neige sur mes cheveux noirs, et à ma colère si bête et à ma joie si puissante. Voilà ce que tu as pensé si fort, alors que tu remontais vers l'arrêt du tram qui te ramenait vers ta cabane, vers ta famille, vers ton malheur. Mais tu savais que demain, tu la reverrais peut-être et que peut-être elle te sourirait. Alors tu as pris de la neige dans tes doigts glacés et tu l'as mise dans ta bouche. Voilà. Donc ça, je ne suis pas sûr que ce soit véritablement l'histoire de ta grand-mère. Mais en tout cas, c'est comme je l'imagine et c'est aussi un souvenir pour moi inventé, mais qui est présent dans ma tête quand même. C'est vrai que, à travers, je vous lirai après un dernier extrait, mais c'est vrai qu'à travers ce livre, c'est d'une certaine manière mon histoire familiale que je réinterprète, que je rejoue, que j'écris, que j'invente aussi. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, dans les quelques livres que j'ai écrits, et dans une bonne partie de ma vie, j'ai toujours mis un peu de côté la partie arménienne, on va dire. Et notamment cette partie du génocide, qui est une partie suffisamment difficile à penser. Et donc qui m'a... Je n'ai pas voulu écrire dessus avant ce livre-là. Et donc, un des secrets qui est niché au cœur de ce livre, c'est le génocide. C'est le génocide arménien. J'en parle un petit peu par l'intermédiaire de Tamar, par l'intermédiaire de ces personnages, mais c'est pas le sujet central du livre, si vous voulez, mais il est là. Et il se révèle au fur et à mesure de la lecture de ce livre. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu, en décrivant cette femme, Tamar, ma grand-mère, aussi en faire autre chose qu'une simple rescapée du génocide, puisqu'elle arrive ici, elle avait 20 ans. J'avais envie aussi de montrer, d'imaginer ce qu'elle a pu vivre après, ailleurs, de manière peut-être heureuse, d'une manière amoureuse, de manière différente de l'image qu'elle a laissée d'elle, en fait. Hein, pour moi, c'est... J'ai connu ma grand-mère presque une bonne partie de sa vie, mais je l'ai plutôt vue comme une grand-mère qui était qui portait quand même cette histoire. Même si elle ne nous le disait pas, elle portait quand même cette histoire-là, et c'était peut-être pour ça qu'on avait en tout cas du mal à communiquer avec elle au début, quand on était jeunes, et puis petit à petit, les choses se sont modifiées et se sont arrangées, et on a pu la connaître un peu mieux quand on était plus âgé. Je sais pas ce que tu en penses, Astrid. Ma soeur. Donc on partage les mêmes souvenirs, même si ceux-là ne sont pas exactement les mêmes. Voilà, donc ça c'est une prise en compte, une prise en charge de ça. Après, je pense que dans les prochaines choses sur lesquelles j'ai envie d'écrire, ça je vais les. Ce sera la première et la dernière fois dont on parle de ce sujet. C'est vrai que c'est aussi pour des gens qui font partie de la diaspora arménienne, de ces enfants, petits-enfants d'exilés du génocide, de survivants du génocide. C'est parfois un peu dur à vivre, c'est parfois obsessionnel. Il y a des gens qui parlent que de ça, ou qui sont que dans ce souvenir, ou qui écrivent beaucoup là-dessus. Et je pense que c'est une erreur, enfin, je pense que c'est difficile à vivre de cette manière-là. Donc c'est pour ça que je voulais l'aborder, mais en me disant, voilà, après je vais parler d'autre chose. J'ai envie de parler d'autre chose, de François Villon, des Camisards, d'autres personnes, d'autres moments d'histoire, d'autres personnages qui m'intéressent aussi. Le livre précédent, c'était sur Giono, donc vous voyez, ça n'a rien à voir, on dirait en tout cas directement avec ce dont je parle là. Alors pour terminer, je voulais vous lire deux petits passages, toujours sur Tamar. Parce que c'est quand même le personnage important du livre, c'est pas pour rien que ça s'appelle La Maison de Tamar. Au début, ça devait s'appeler Traverse, mais l'éditeur a considéré, a discuté avec moi et a pensé que ça serait mieux que ce soit incarné, que le titre soit incarné par quand même le personnage principal de ce livre. Donc La Maison de Tamar. Je vais vous lire d'abord un petit extrait qui s'appelle Tomasa, où j'imagine donc le village. Enfin, Tomasa, c'est une ville, mais elle vivait dans un village qui était juste à côté, qui s'appelait Tashka, je crois, et où j'imagine donc ce village. Ton père était forgeron et son atelier s'ouvrait au pied de votre maison dans une grande pièce donnant sur la rue, fermée la nuit par deux grands battants en bois peints en bleu. C'est de ce bleu incongru dont tu te souviens, Tamar, parce que c'était la seule tache de couleur au milieu d'une rue uniformément sombre, à peine égayée par les premières neiges de l'hiver. Les contacts avec les Turcs se limitaient à la perception de l'impôt sur les populations non musulmanes, les jours où un immense gendarme à cheval passait au village pour collecter les poignées de sous que les paysans et artisans déposait en grognant sur une table recouverte d'un tissu en velours pourpre. Jamais le féroce soldat ne se départait de son air sombre et de son grand sabre, et il comptait et recomptait le moindre souffle. Ce dont tu te souviens aussi, Tamam, ce sont des animaux, de l'âne qui occupait un coin de la pièce où se trouvait la forge, mais aussi des chats maigres qui venaient quémander un bout de pain d'un miaulement plaintif en se pressant contre vos jambes dès que vous sortiez dans la rue, et aussi des chiens du quartier qui traînaient en bande autour de la maison et dont tu avais une peur bleue. La légende du village avait retenu le nom de l'un d'entre eux, Ashchouk, le petit ours, parce qu'il était plus grand et plus hardi que les autres, mais surtout parce qu'il aboyait férocement quand le gendarme turc débarquait à cheval dans le village. Cette marque d'hostilité spontanée avait éveillé la sympathie des villageois qui le chassaient à grands coups de pied devant le turc, mais qui le récompensaient de caresses et de morceaux de viande dès qu'il était reparti. On raconte que le jour où les Turcs sont venus chercher la population du village, le 27 août 1915, il a sauté à la gorge du premier gendarme qu'il a vu avant d'être abattu. Le village où tu es né, situé tout près de Tomaza, s'appelait Tashkan. En 1914, on y dénombrait 750 habitants. Il comptait parmi la poignée de villages arméniens autour de Tomaza. L'été, lorsque le soleil descendait derrière les montagnes, certains se retrouvaient devant les maisons, assis ensemble sur des bancs de bois, à boire le souj, à goûter à la douceur de l'air, à rapporter les derniers potins, cette jeune fille qui va bientôt se marier, celle-ci qui attend encore un enfant, la pauvre. On se reposait, parfois en silence, après une journée au champ ou à l'atelier. On contemplait cette montagne qu'on connaissait si bien, qui marquait l'horizon de sa présence bienveillante. Demain, les femmes sortiraient les matelas et les couvertures et les videraient de leur laine. Il leur faudrait ensuite étaler les lambeaux de laine sur des draps et les battre pour leur redonner forme et densité, avant d'enfourer de nouveau les couvertures et les matelas en prévision des hivers rudes. Bon, ça, je l'ai vraiment vu, mais en Arménie de nos jours. Hein. Les couvertures dont on sort la laine et dont l'on bat et qu'on remet ensuite dans les matelas et les draps. Dans les matelas et les couvertures, pardon. Mais tu n'as pas connu tout cela, Tamam. De tout ce monde, il ne reste plus rien. À peine peut-être quelques traces de pas sur la neige et le bleu sur une porte. Et maintenant que tous ont disparu, que les vivants sont allés rejoindre les morts, et que cette histoire des Arméniens, de Tomaza et de l'Anatolie centrale n'existe plus que dans quelques livres, il me reste ce bleu, le même bleu, qui s'écaille sur la porte close de ta maison du Havre des Tuves. Il me reste aussi un peu de ta colère, une colère qui te venait par moments, une colère qui te gardait vivante. Et même si tu n'as pas vraiment connu la vie des Arméniens de Tomaza, tu sais bien comment ils furent traités. Bien sûr, il y avait des moments plus calmes, voire peut-être même des moments de sympathie avec certains voisins turcs, des moments où l'on comprenait qu'il y avait bien peu de différence entre un paysan arménien et un paysan turc, qu'ils trimaient dur et que leur joie et leur peine étaient sensiblement les mêmes. Certains devaient aussi se dire, nous étions au début du siècle et les idées circulaient, que les histoires de religion étaient des intentions... Excusez-moi, je précipite un peu la lecture, je recommence. Certains devaient aussi se dire, nous étions au début du siècle et les idées circulaient, que les histoires de religion étaient des inventions bien commodes pour gouverner les pauvres, les séparer et détourner leur colère. Mais à de multiples reprises, les pauvres égorgèrent les pauvres et en août 1915, bien peu ouvrirent leurs portes à ceux et celles qui furent emmenés. Oui, Tamam, ils furent traités comme on traite les chiens, on se débarrasse d'eux et de leur progéniture, avec peut-être un peu de remords, puis on les oublie vite. C'est ainsi que vous êtes mis en marche, ce 27 août 1915, une longue file de femmes et d'enfants, les hommes adultes avaient déjà été emmenés, on ne sait où. Cette longue file, avec quelques ânes et des charrettes, mais la plupart à pied, emmenés ainsi vers Alep, à quelques 450 km, sous le soleil ardent de l'été. Peut-être vous a-t-on regardé partir. Peut-être un voisin vous a-t-il fait un signe de la main. Peut-être un enfant a-t-il pleuré et s'est réfugié dans les bras de sa mère pour ne plus voir ces gens que l'on connaît si bien être emmenés par les gendarmes. Cette tristesse est peut-être restée longtemps dans la tête de cet enfant. Peut-être l'a-t-il transmise à son fils, à sa fille, et qu'il est ainsi resté une trace diffuse de ce qu'avait été ce monde. Tomaza est aujourd'hui une petite ville de quelques milliers d'habitants et Internet m'informe que des restaurants et des hôtels peuvent accueillir d'éventuels touristes. Il est même possible de faire du ski dans les différentes stations d'Anatolie centrale. Pas un seul monument, pas un document officiel, rien n'indique qu'une population arménienne a vécu ici. Aucune trace, aucun papier ne signale que Tamam est né dans ce lieu vers 1910. Voilà. Et pour finir, avec un kadish, Bonjour. Ah bah t'as pour le Kaddish. Donc la prière au mort. Pour la conclusion. Kaddish. Page 169. De toute cette histoire, de ces années, de ces maisons, de cette traverse, il ne reste que mes mots, un mémorial de papier. Alors une dernière fois, je me souviens de la traverse du four à chaud. Il y avait cette petite allée de gravier et de terre, cette poignée de maisons, ces herbes et ce ciel bleu et la colline autour, ces chats, ces insectes, ces vieilles en noir et ces enfants. Tout un monde minuscule mais réel pour remplacer le monde disparu. Une allée à la place d'un pays, une allée à la place d'une histoire, une allée à la place de champs, une allée à la place d'animaux, une allée à la place d'hommes, de femmes et d'enfants, effacés de la surface de la terre comme s'ils n'avaient jamais existé. Une allée pour Alep, pour Adana, Izmir et Athènes. Une allée pour Tomasa, une allée pour Deir ez-Zor, une allée pour les cris, une allée pour les pleurs, une allée pour le silence, une allée pour la faim, une allée pour le Deir Vorojmia, une allée pour ton cousin, une allée pour ton père, une allée pour ton premier amour, une allée pour Manouk, une allée pour ma mère, une allée pour toi, ta maman, ma chérie, et pour tous nos fantômes. Une allée vers un passé incertain, tremblant comme une flamme. Voilà. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions. C'est vrai que c'est difficile de poser des questions après ces lectures, mais en tout cas... En présentant ce livre au CIRA, je trouve que c'était ça du sens. Peut-être que certains se pensent un peu bizarre, parce que c'est peut-être un peu en dehors du contexte de ce qui se présente habituellement au CIRA. Mais je trouve ça important que vous m'ayez invité ici, dans cette bibliothèque anarchiste. Parce qu'à travers cette histoire, c'est aussi j'ai voulu aussi essayer de parler d'une certaine colère, d'une certaine révolte. Et peut-être que ce n'est pas, dans mon histoire personnelle, ce n'est peut-être pas pour rien que j'en suis venu aux idées libertaires et que j'ai commencé peut-être aussi à fréquenter un lieu comme le CIRA. Voilà, les amis, sur ce, amen. Merci pour ton exposé avec tes lectures très vivantes. J'encourage tout le monde à acheter le bouquin parce qu'il n'y en a pas 50, hein, il y en a pas pour tout le monde parce qu'il vous a lu, il vous a léché, mais il y a assez beaucoup, évidemment le livre est beaucoup plus riche. Alors moi je vais commencer les questions. Il me semble qu'à la fin tu dis que ta grand-mère elle t'a jamais raconté les horreurs qu'elle a vues. Voilà, en gros, en fait c'est intéressant dans le témoignage qu'elle avait, c'était que un témoignage un peu où elle racontait toujours un peu les mêmes histoires, des histoires récurrentes. Et tout le moment où elle a connu, c'est-à-dire longtemps, hein, puisqu'elle est morte à presque 100 ans, elle reste de 95, 96 ans, je ne sais plus exactement. 97. 97. Donc on l'a connue, moi j'étais largement adulte quand elle est morte. Hein. Elle est morte au début des années 2000, en 2002. 2006. Enfin, encore plus tard, parce que je crois. 2006. Donc, et elle a toute sa tête. Donc, ces histoires-là, on les connaissait très bien. C'était toujours un peu les mêmes histoires. Et d'ailleurs, je les rapporte dans le livre. Et c'est des histoires relativement douces, d'une certaine manière, même s'il y a quelques événements dramatiques. Mais sa manière de parler de ces événements d'enfance, elle en parlait comme un enfant, quoi. C'était des histoires d'enfants racontées pour des enfants. Ça aurait presque pu être des contes. Le moment où elle est accueillie, par exemple, dans une famille turque à Alep, qui la prennent sous leur aile, enfin, comme une orpheline, quoi. Et puis où elle nous racontait ça souvent, hein, et où elle monte un jour dans la chambre de la maîtresse de maison, et là, La chambre du fils. La chambre du fils. Le fils qui était à l'armée. Le fils qui était à l'armée. Moi, je sais que c'était. Elle s'était parfumée, et puis tu es venu faire sentir le parfum en disant: oui, tu as trouvé ça. Et on lui avait interdit d'aller dans les chambres. Et on lui avait promis de la rousser. Ouais. Elle s'est évadée, puis elle est repartie jusqu'à l'air. pleurer devant la misère mienne pour être entendu. Voilà. Donc, elle racontait ce départ qui était quand même relativement dramatique pour une enfant, mais elle le racontait vraiment comme une histoire presque légendaire. Enfin, c'était un oui, et puis, elle racontait, elle priait avec la mère, avec les genuflexions, les trucs, ah, oui, tout oui. Comme les musulmans. Oui. Ah, ouais. Oui, donc ça, c'était. Elle était un peu mystique. Elle était un peu mystique, ouais. Et donc, ça, c'était l'histoire qu'elle elle racontait. Elle était très religieuse, ma grand-mère, elle était chrétienne, très, très ardente. Elle connaissait des passages entiers de la Bible, etc. Et donc, c'était faisait partie de cette. Des histoires qu'elle racontait. Mais c'est vrai que, comme le dit Philippe, elle nous a épargné, ou peut-être que nous, on n'a pas voulu en savoir plus aussi, elle nous a épargné les choses peut-être les plus dures qu'elle a vécues. Après, elle était enfant, elle n'a pas. Peut-être qu'elle n'a pas vu non plus. Mais elle a dit une ou deux fois que sa mère était morte alors qu'elle était dans ses bras, qu'on l'avait enlevée. Elle était dans les bras de sa mère la nuit et au matin, sa mère était décédée. Vous en avez parlé à vous, mais pas à nous. Oui. Vous avez vu Nos enfants, elle ne nous racontait pas ça, même au courant. Donc il y avait des histoires un peu types qu'elle nous racontait. Il y en avait quelques-unes, et puis c'est tout. Et puis d'une certaine manière, nous, on n'avait pas vraiment envie d'en savoir plus. Quand on était enfant, dans les années donc 70, 80, ces histoires du génocide, on les entendait par ailleurs, de toute manière. Les photos, on les voyait, les têtes coupées, mises les unes à côté des autres, là, comme ça. Les affiches qu'on voyait sur les murs pendant au moins 24 avril, on voyait ces horreurs. Donc on avait peut-être pas envie d'en savoir plus. Et puis on se sentait peut-être plus. On avait envie d'être français, quoi. Je sais pas toi, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas si on avait envie d'être français, mais on a été élevé comme français. Ouais, on était élevé. Dans une. Mais moi, je pense même qu'en étant, moi, en étant ado, vraiment, j'avais pas envie d'entendre parler de ça. Hein. J'en avais marre de ces histoires. Quand je t'ai connu là, dans les années 90, l'Arménie, ça avait l'air un peu lointain. Ouais. Ouais. Une fois, tu m'as parlé de ton père parce qu'il avait écrit un bouquin, tu m'as montré, mais c'est nous. Et après, quand j'ai lu tes voyages en Arménie, je disais, il a trouvé ses racines. Quoi. Ouais. Mais il me semble que, je crois quel âge t'avais à cette époque-là, 30 ans, tu t'en fous. Enfin, c'est l'impression que, oui, parce que tu donnais que tu t'en foutais. Quoi. Ouais, ouais. Enfin, que t'avais d'autres priorités. En tout cas, j'avais mis ça vraiment de côté. Quoi. Ouais. Et oui, je disais que je m'en foutais, en tout cas, jusqu'à finalement assez récemment. Quoi. Et puis, j'ai redécouvert cette histoire arménienne par l'Arménie. Quoi. Et l'Arménie, le fait d'être allé en Arménie, d'avoir rencontré des gens en Arménie, d'avoir rencontré une femme en Arménie, une jeune femme, et ensuite de m'être marié avec elle, etc., ça m'a réconcilié un peu avec cette histoire tellement dramatique là, parce que il me semblait qu'en Arménie les gens le vivaient différemment. C'était pas des gens qui étaient des jeunes gens aujourd'hui d'Arménie. Ils sont moins dans ce ressassement et ils sont dans l'histoire de leur pays, de ce qui se passe là, qui est aussi dramatique d'une certaine manière, mais pas exactement de la même manière. Et donc ça m'a redonné un peu de légèreté. Ouais, en prenant des mots comme ça. Avec cette histoire-là, et puis et donc je me suis de nouveau intéressé, penché à mon histoire personnelle, qui est l'histoire de la diaspora arménienne, enfin l'histoire en tout cas de ma famille, et c'est une histoire de survivants, mes grands-parents en tout cas, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Donc voilà, et c'est pour ça que finalement j'ai accepté, enfin j'ai eu envie de chercher un peu, de fouiller un peu autour de ça. Quoi. Voilà. Et donc le quartier du Valentin. Peut-être pas une question, mais une réaction. Merci Jean-Luc pour ce témoignage, parce que, comme aussi petit-fils de grands-parents apatrides, hein, puisqu'il faut savoir que nos grands-parents sont arrivés là-bas très loin du Vallon des Tubes, dans ce qui était à l'époque un centre de. D'accueil, hein, qui était au camp Odo, qui était le camp Odo en fait. Hein. Ils sont tous arrivés là. Ce qui est interrogé avec ton livre, c'est quelque chose moi, qui me touche et auquel je tourne depuis longtemps. C'est comment on fait avec les restes. Ces restes sont les restes des mémoires trouées, des nécessaires réinterprétations ou recréations des mémoires, qui peuvent être d'ailleurs très différentes quand elles sont parlées dans les familles. On a des fois des versions selon qu'elles sont racontées par le grand-père, la tante, etc., ne sont pas les mêmes, mais elles n'en restent pas moins de vraies histoires, même réinventées. Comment on fait avec les restes de ce qui est aujourd'hui toujours actuel, c'est-à-dire des corps non enterrés et non reconnus de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, puisque c'est un génocide qui n'est toujours pas reconnu, ce qui veut dire que les morts non enterrés de notre histoire, et pour beaucoup, sont encore... et je parlerai de ce que représente un livre par rapport à ça, sont encore, je dirais, des éléments forts de notre histoire, parce que quand les morts ne sont pas enterrés, se pose la question de la transmission, pour les générations qui viennent, et d'un rapport particulier à la vie, à la mort. Alors, à un moment donné, comme tu le fais aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un dans la famille qui va interroger le silence. qui va interroger le silence, qui va interroger ces histoires trouées, ces histoires d'exil. Ce sont une histoire, une mémoire d'exil arménienne, mais moi j'ai toujours pensé qu'il y avait dans cette mémoire d'exil, par rapport justement à un certain nombre de positionnements par rapport à ça, une dimension universelle, et qui n'est pas simplement celle du génocide des Arméniens, et que je n'ai pas besoin de citer aujourd'hui des exemples qui fait que on en est toujours là d'une certaine manière. Alors moi, il y a un mot qui m'a interrogé, mais bon, ce que tu as dit, c'est le mot de territoire. Comment, pour des mémoires d'exil, se fait comme prégnante l'idée d'avoir nécessairement un territoire. On parle de ce volant d'étuve, mais où s'incarne symboliquement ces histoires ou cette histoire, ce rapport à la petite histoire et à la grande histoire, parce que c'est ça aussi dont il s'agit. Et il y a 1000 territoires, et chacun, en fait, chacun invente d'une certaine manière son territoire. Alors ça peut être des territoires réels, comme ce volant d'étuve, ça peut être aussi des territoires symboliques. Longtemps recherche sur cette histoire, j'ai eu le sentiment qu'il fallait des points d'ancrage par rapport à, je dirais, cette mémoire d'exil. Cette mémoire d'exil, elle nécessite, oui, des points d'ancrage. Points d'ancrage, ils peuvent être symboliques, ils peuvent être un texte, par exemple. Moi, j'avais lu dans Anna Arendt et la crise de la culture un passage où elle citait une nouvelle de Kafka où il parle... par rapport à des gens qui ont vécu, parler de la Shoah, qui ont vécu ces mémoires trouées, cette mémoire de l'horreur. Il parlait d'un territoire inentamable et atemporel qui était celui du territoire de la pensée. Et quand je suis allé faire un livre, en revenant sur les traces de ma grand-mère déportée. Donc c'est ce livre, hein ? Oui. L'idée d'avoir un territoire inentamable en allant à la, je dirais, rencontre physique du bourreau, entre guillemets, l'idée d'avoir ce territoire inentamable m'a, d'une certaine manière, rassuré. Ce territoire aussi de l'exil, il peut se manifester... je parle dans un livre du cartable de mon père, je parlais de l'intégration, depuis quelqu'un de très intégré, mais quand on le voyait, et physiquement, et dans tout ce qu'il représentait, si porteur de cette mémoire, bien qu'il s'en ait défendu très longtemps de sa vie. Il y avait dans ce cartable, je parle de territoire, parce que ce mot il revient souvent à toi, il y avait dans ce cartable toute sa vie, mais où qu'il aille, en vacances, etc. Il y avait nos passeports, il y avait les actes de propriété, il y avait l'acte de sa naturalisation française, il y avait... En fait, il y avait un espèce de kit de survie qui faisait que lui, s'y intégrait, il avait ce territoire du cartable qui lui permettait, inconsciemment peut-être, de se dire que s'il avait à partir très vite, il avait dans ce cartable de quoi assurer cette fuite ou ce départ de Marseille. Donc on a tous besoin, je veux dire, de l'incarnation de ce territoire imaginaire qui vient en fait donner des points d'ancrage dans nos mémoires d'exil. Et en fait, je pensais aussi à ce que représente le livre, en fait. Parce que le livre, par rapport à ce que nous n'avons pas eu, en fait, de transmission du deuil, par rapport à la difficulté, de ce qu'est le deuil dans ces familles qui, toutes générations confondues, puisqu'en fait, il n'y a pas eu, de manière matérielle, l'enterrement de ces morts, en tout cas qui restent en suspension dans l'histoire. J'ai toujours pensé que les livres étaient des formes de petits enterrements, des formes de pierres tombales, d'une certaine manière, qui, en faisant vivre et revivre, et en les touchant par l'écriture, était une forme en fait d'enterrement symbolique qui permettait de vivre et de transmettre et de passer de cette forme de, comment dire, de mémoire pathogène, enfin difficile, à quelque chose de l'ordre de la vie. C'est là. C'est comme, en fait, une tombe. On sait que c'est là. Ouais. Et donc, on peut passer à autre chose. Symboliquement, le livre, c'est aussi un territoire. C'est à la fois le territoire de la mémoire de ces histoires recomposées, mais c'est aussi, la tombe qui nous permet... de passer à autre chose, pas peut-être passer à autre chose, mais en tout cas de retrouver quelque chose d'un rapport à la vie qui ne soit pas dans cette espèce d'ambiguïté tragique du fait que les morts ne sont pas enterrés et qu'il est difficile donc et de donner la vie et de transmettre quelque chose de l'ordre de la vie. Donc c'est pour ça que ce mot de territoire me touche beaucoup. Je crois qu'il faudrait écouter l'auteur. Voilà. Il continue vraiment. Il continue dans ce que je dis. Hein, D'ailleurs, tu parlais de ces morts qui sont encore en suspension. Et je pense que pour le peuple turc, pour les gens qui vivent en Turquie, c'est aussi, à mon avis, quelque chose d'important. Et peut-être ça, c'est ce qui pourrit un peu dans la conscience d'une partie de cette population. C'est cette histoire qui a été niée, quoi. Et heureusement, en Turquie, il y a une partie des gens, de la population, des plus jeunes ou des intellectuels qui ont reconnu ces morts. Et ça, c'est une sacrée avancée, c'est sacrément important, quoi. Même si aujourd'hui... Je me souviens vraiment de Gezi, du parc Gezi, là, il y a quelques années en arrière, la révolte du parc Gezi. J'avais écouté une émission sur je ne sais plus quelle radio, et il y avait des jeunes gens qui parlaient de... qui tenaient des stands. Donc au moment de cette révolte, la rue a été occupée, les places ont été occupées pendant pas mal de temps, et quelqu'un vendait des badges où c'était écrit « Arménien ». pardonnez-nous. Ouais. Important. Ça, c'était vraiment un sacré truc. Et c'est pas étonnant que ça se passe pendant un moment de révolte populaire comme ça. Quoi. Il y a eu Randink, en fait, au moment c'était à peu près où il y a eu la foule turque, une partie de la foule turque. Nous sommes tous arméniens. Mais après, il y a eu un retour de bâton quand même très fort. Très... Bien sûr. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de gens qui descendraient dans la rue en disant nous sommes tous arméniens. Alors, il y a un lieu symbolique aussi en Turquie. Se transmet de bouche à oreille, puisque tu parlais de lieu de commémoration, ce qu'on appelle l'arbre des Arméniens, qui est entre, à côté du Diyarbakır, et qui est un lieu, en fait, transmis de manière de bouche à oreille, à la fois pour ceux qui font ce voyage en Turquie, et pour les Arméniens, entre guillemets, Turquie. Et c'est un lieu dans lequel on arrive à pied et qui est cet arbre où il n'y a rien en fait, le lieu secret en fait commémoratif du génocide arménien, mais qui est un lieu qui se transmet à partir d'ailleurs de l'église arménienne de Diyarbakır, qui se transmet comme ça de manière chavraïque. Oui. Quelque part dans l'histoire de Marseille, j'ai lu que les Arméniens, après leur fuite, se sont installés surtout à Marseille pour ensuite faire le passage en navire vers les États-Unis ou l'Amérique. Mais finalement, ils sont restés à Marseille. Ah, d'accord. Ça, c'était la raison pour s'installer en France aussi. Oui. Et qu'est-ce que tu dirais là, j'ai lu qu'ils ont développé une sorte de lobbyisme contre l'entrée de la Turquie vers l'Union européenne tant que ce n'est pas reconnu là, le génocide. Est-ce que tu penses que ce lobbyisme a toujours un pouvoir? Bon, je pense aux démons comme Jean-Louis Aznavour. Des gens qui sont un peu montés en France, là. Est-ce que tu penses que ça joue encore un rôle? Le lobby arménien, tu veux dire? S'il y a un lobby arménien qui voudrait... Oui, oui. Bon, je pense qu'à un moment donné, ça a dû jouer un rôle. Après, je ne sais pas trop. Tu sais, moi, je ne suis pas tellement dans cette communauté, on va dire, des associations arméniennes, tout ça, je m'en méfie un peu, mais il y a différentes tendances et ils sont parfois assez... posé. Donc je sais pas, peut-être qu'à un moment donné il y a eu effectivement ce lobby, je sais pas si c'est vraiment un lobby, mais en tout cas de gens qui ont essayé d'empêcher l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Après je pense qu'il n'y avait pas que les Arméniens, il devait y avoir aussi une partie des forces politiques françaises. Mais ça j'avoue que c'est pas un truc sur lequel je me suis beaucoup renseigné, et j'irais même jusqu'à dire que je m'en fous un peu, quoi. Donc, presque intéressant ce qu'il dit, oui, effectivement la trajectoire, bon, il y a des Arméniens en Amérique. Ouais. Mais la grosse immigration, c'est Marseille. Et de Marseille, on les suit. Hein, parce qu'à Valence, là, il y a un centre arménien important. À Lyon aussi. Ouais, et oui. Après, finalement, il y a un peu jusqu'à Paris. Paris, ouais. Mais c'est la banlieue, c'est Maison Alfort. Ouais. Donc, il y a tout un itinéraire comme ça, Montélimar. Ben, en gros... Ici, les Moulineaux. Ouais, ils sont arrivés juste après la guerre de 14. Donc, il y avait du boulot. Ils allaient où il y avait du travail et ils ont refondé des communautés à Valence. C'est important par rapport à la ville. Hein. Il y a un joli centre, il y a des bons restos aussi. Parce que ça aussi, vous savez, pour en parler, tu dois avoir des souvenirs de nourriture avec ta famille. Ouais, c'est sûr. Ouais. Bah, ça, c'est important. J'en parle un petit peu dans le bouquin, mais c'est vrai que la nourriture, c'est vrai que c'était aussi un truc. C'est une des questions que je voulais poser justement. C'est une des questions que je voulais poser justement dans ce quartier, du coup. Dans vos souvenirs d'enfance, etc. La cuisine, la musique, les fêtes, probablement. Je ne sais pas qu'est-ce que j'oublie. Enfin, tout ce qui est fait de la culture arménienne, elle vivait. Dans ce quartier, ce qui faisait vraiment le lien, c'était vraiment l'église. L'église, elle a été construite presque dès que les gens se sont installés là. Avant même de construire leur maison, ils ont mis la main pour construire de manière collective l'église qui existe toujours. C'est la seule. C'est peut-être la seule trace arménienne qui reste dans ce quartier, c'est cette église qui est un peu au-dessus du vallon des tubes et une petite église arménienne. Voilà. Tu voulais dire quelque chose ? Non, mais je voulais dire. Ben, la nourriture, oui, ça, c'est quelque chose d'important parce que j'ai rencontré des Turcs de cette génération-là. Et c'est amusant, c'est rendre compte qu'on avait exactement les mêmes recettes. C'est bizarre, quoi. Non, mais exactement les mêmes, quoi. Ça s'est très bien transmis les recettes de nos grands-mères, enfin, de nos grands-mères jusqu'à aujourd'hui, quoi. C'est incroyable, c'est une personne qui a vécu en Turquie, elle dit, mais. Et un jour, j'ai cuisiné, elle a dit, mais c'est exactement les saveurs turques, quoi. Enfin, c'est, voilà, oui, c'est, il y a une fidélité. Il y a un certain nombre d'endroits sur Terre qui trouvent cette chose-là. Voilà, le café turc. Le café grec, le café libanais, arménien, c'est tout cela même. Hein. ça change de nom, mais c'est pareil. Et donc, du coup, ta maman, par exemple, elle cuisine arménien régulièrement ou que vous faites oui, aussi, c'était... Ou tous les jours En tout cas, quand on allait chez elle, qu'on la visitait assez régulièrement, il y avait toujours un repas arménien qui était particulièrement succulent. Quoi. Mm-hmm. Donc, c'est, ça faisait partie des raisons pour lesquelles on est chez elle. Mais la voir, on peut aussi déguster tous ces bons plats. Quoi. Mais, bien sûr, c'est ce qui restait un peu du pays. Quoi. La nourriture, évidemment, quand le reste a disparu, c'était un peu. Voilà, le territoire, c'était la nourriture. C'était la nourriture. Mais ce truc du territoire, c'est important parce que. Moi, il me semble que dans ma vie, j'ai toujours cherché un territoire. Je n'ai jamais vraiment trouvé, mais à plusieurs moments de ma vie, j'ai toujours dit, voilà, ça, c'est le lieu où je vais pouvoir. On n'a pas de maison familiale, par exemple, ou de maison de grands-parents, justement. Cette maison de Tamam, elle a disparu. Elle a loué, sa maison. Hein. Donc, elle a disparu une fois qu'elle est morte. Quoi. Donc, c'était le lieu qui se rapprochait le plus de notre maison familiale. Elle a disparu. Donc, il me semble que cette histoire du lieu, c'est quelque chose qui me travaille un peu. Et dans mes livres, c'est peut-être ça aussi que je cherche, t'as raison, le lieu, un lieu. Cette phrase là qu'on a mis dans la présentation, je vais nulle part. Une fois, je vois sur un mur de Paris quelqu'un qui m'avait marqué, je vais nulle part, et toi, et puis quelqu'un d'autre avait répondu, moi je te suis. Et je ne sais pas pourquoi cette phrase, elle m'avait tellement troublé, tellement ému, que je la porte depuis ce moment-là. Quoi. Et c'est la question vraiment du lieu, hein, nulle part. En même temps, le nulle part, c'est l'utopie, quoi. Donc, il me dit que le lieu, le sans-lieu, c'est aussi ça, c'est aussi l'idée qu'on est dans l'utopie, quoi. Et que pourquoi pas finalement ne pas avoir de lieu. Oui, déjà symbolique. Ouais, voilà. Le livre, la littérature. J'ai l'impression que c'est plus facile de se débarrasser du lieu pour ne plus en avoir quand on en a un, que de ne pas en avoir. Ouais, c'est sûr. Parce que forcément, du coup, tu cherches. Pas la même chose. Oui, on peut avoir marre au lieu et dire bon là, mais c'est sûr que quand on n'a pas, tu en cherches un, hein, mais après, on a tous des histoires parfois singulières, enfin des histoires qui comportent des choses de ce type, hein, même si on est né, on est un bon français, qu'on est né en France, on a des arrière-grands-parents ou des aïeux qui remontent à Saint-Louis, on peut avoir aussi des choses qui sont liées, des choses difficiles qui sont liées au lieu. Hein. La France, c'est pas. Lui aussi, c'est malheur, quoi. Donc, ouais, voilà, je fais pas de l'histoire des Arméniens un truc exemplaire ou particulièrement dramatique. Simplement, c'est vrai que c'est mon histoire, donc je la reprends en charge. Mais je la prends en charge, en tout cas dans ce livre. Mais j'ai pas envie d'en faire quelque chose de central. C'est central dans ma vie, mais j'ai pas envie que ça occupe toutes mes pensées et tout ce que j'aime, j'ai envie de sortir de ça, aller vers le vivant. Quand je parlais de Giono, c'était vraiment ça, aller vers la vie, quoi. Et d'une manière ou d'une autre. Hein. Après, c'est tellement tragique, si tu fous au centre de ta vie, tu fais que pleurer. Hein. Ouais, c'est ça. Tu regardes les infos, ce qui se passe là au Karabakh. Ben oui, tu regardes les mecs qui perdent tout, ça recommence, c'est reparti pour un tour, qui c'est qui va les emmerder maintenant les sûr. Russes, c'était soi-disant leurs amis, tu parles. C'est sûr, mais tu vois, ça c'est une histoire, pour moi, qui est une histoire quand même différente. Ouais. Qui est une histoire, une autre histoire avec d'autres gens, enfin comment dire, c'est la propre histoire de l'État arménien. Est-ce qu'il y avait des réfugiés de Turquie en Arménie soviétique? Bien sûr, bien sûr, mais... Si tu veux, les petits-enfants aujourd'hui, enfin les jeunes arméniens, il me semble que pour eux, c'est pas la chose centrale. Bien sûr, ils font la commémoration du 24 avril, tout ça, mais ils ont d'autres préoccupations, d'autres priorités, et c'est très bien. Oui. Moi, ça me va bien. Quoi. Et ça m'apprend des choses aussi. Tu vois. Il y a même une partie de la communauté arménienne qui, en 48, beaucoup de membres, enfin de d'Arméniens étaient membres du PC, qui sont partis en bateau de Marseille pour aller participer au paradis soviétique. Et il y a beaucoup de familles. Ils ont été coincés après. Parce qu'ils voulaient à peine arrivés, ils voulaient revenir. Ils sont arrivés au pire moment, quoi, les pauvres. Juste après la guerre. Ah, c'est une sale histoire, ça. Le pire moment, quoi. Ils sont revenus après la mort de Staline. Ils sont revenus après la mort de Staline. Un peu plus tard pour certains. Ouais. Bah, sinon, tout à l'heure, tu disais que ça avait du sens pour toi de venir présenter ce livre ici. De toute façon, pour nous en a, je vous montre tous les deux, parce que c'est essentiellement nous qui nous occupons des causeries ici. Évidemment, on te connaît depuis longtemps, il a dit Philippe, mais bon, si tu pondais un truc inintéressant, tu viendrais peut-être pas le présenter. Mais de te faire venir pour parler de ça, nous, ça nous tenait à cœur parce que, d'abord parce que, je ne sais même pas pour quelle raison, on est très attiré par l'Arménie, on y est allé, bon, bref, c'est un sujet qui nous intéresse et qui nous touche. Mais en prime, en parlant justement de la non-reconnaissance du génocide, etc., c'est tellement actuel, avec les différentes déclinaisons au milieu, en prime. Je me rappelle une fois où justement je revenais de notre voyage en Arménie et j'étais chez le coiffeur. Et ma coiffeuse, qui sait que je voyage, alors me demandait si vous êtes allée, ça, je parle d'Arménie, tout bon, d'accord. Je ne sais plus comment on en vient, et tout d'un coup, je lui parle du génocide. Enfin, je lui ai expliqué qu'il y avait beaucoup d'Arméniens à Marseille, puisque en Arménie, on nous a énormément dit vous êtes nos frères. Enfin, dès qu'ils savaient qu'on était français, déjà c'était terrible. Alors, à partir du moment où on disait qu'on était de Marseille, alors là, c'était assez incroyable. Donc, du coup, je racontais ça à ma coiffeuse. Et d'un coup, elle me dit, mais comment ça, un génocide? Alors, je lui explique juste vite fait, quoi, 1915, etc. Mais c'est incroyable! À l'école, on nous en a jamais parlé de ce truc. Cette phrase, ah ouais, beaucoup, parce qu'elle est extrêmement significative. Et, j'ai dit, avec tout ce qui se décline, bon, il se trouve qu'on est... Mais là, tu parles de l'Arménie? Bon. C'est en Arménie? Non, oui. Non, ça c'est ma confesse. Non, j'avais pas compris. Non, pardon, je parlais, je lui l'expliquais. Et après, je disais les différentes choses au milieu. Bon, je veux dire, autre que le génocide arménien et cette reconnaissance du génocide, au mois de septembre-octobre, on était en Bosnie. Pourtant, la Bosnie, c'était il y a 30 ans, donc nous, on s'en souvient très très bien de tout ce qui s'est passé. Mais on a appris en pleine gueule, parce que c'était bien plus important que ce qu'on croyait et tout ce que nous, on avait suivi à l'époque. Et rebelote. Ça a été déclaré génocide par les instances internationales, nanana, mais pas du tout par la Serbie, bien sûr, etc. Et puis, évidemment, en ce moment, on est en train d'en vivre un, et je suppose que c'est pas demain la veille qu'on reconnaîtra que c'est un génocide. Donc, c'est au moins cette histoire de génocide, et du coup, de mort aussi, hein, enterré, etc., parce qu'à chaque fois, c'est le même problème. Ça reste actuel et du coup c'est bien aussi de prendre d'en parler. Mm-hmm. Même si bon, probablement tous les gens qui sont là savent, mais bien sûr. Moi ça permet d'en parler encore. Ok. Mais je crois que c'est vraiment important comme vous parlez de comment dirais-je du silence. Parce que moi je suis un enfant du XXe siècle. Nous avons tous connu des deux guerres mondiales, finalement, tous de notre façon. Et je crois que l'un des traits de nos générations, c'est que nos parents, nos grands-parents ont été des gens du silence. Ils ne nous ont pas tellement raconté l'histoire. Et c'est bien que vous parliez comme ça doucement de choses graves et tragiques. Je trouve que c'est très bien. C'est une bonne façon de faire. J'espère, merci. Justement, cette grand-mère avait la particularité quand même j'avais une autre grand-mère qui disait rien. Mais elle a raconté quand même comme ça, cette histoire-là, de cette manière-là. C'était, c'était, on pouvait l'écouter, quoi. Après, il fallait chercher, peut-être pour en savoir plus, il fallait chercher un peu plus. Déjà, à ce moment-là, on n'avait pas envie. Non, mais vous avez bien cherché. Donc, j'ai trouvé votre apaisement, moi, je crois, de très haut apaisement par rapport à ça, quoi. Il y a une phrase de Paul Celan qui dit que nul ne peut témoigner pour le témoin. C'est ce que vous avez fait, quoi. Vous avez quand même témoigné à votre manière. Non, je pense, j'espère. Tu as commencé quand même à t'intéresser à écrire sur ce qu'on t'a trouvé là, donc t'as quand même trouvé. Oui, bien sûr. T'as trouvé quelque chose. Ouais, ouais. Une fois que t'as trouvé quelque chose, art, tu t'es mis à écrire. Oui, tu cherchais, tu l'as trouvé. J'ai voulu jusqu'au bout. Ouais. On en est tous à penser à nos morts, à nos silencieux, on est obligé de parler à leur place. Ils sont là. Bah ouais. Il y a les morts et les vivants pour tous. C'est sûr, il y avait plein de grands morts autour de nous. Louis Michel, les reculs. S'il y a plus particulièrement de questions, je vous invite à continuer la discussion autour d'un petit apéro.